الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، donc ceci est la suite de la traduction de la conférence de Cheikh Saleh Al-Fawzan حفظه الله تعالى. Une conférence intitulée « Nous t'avons certes épargné le mal de tes railleurs » ou « Le mal des railleurs ». Donc le shir ensuite il poursuit et il dit « وفي هذه الآية لما بعثه الله عز وجل في مكة ودعا إلى الله سرا خشية من أذى المشركين في أول أمره أمره الله سبحانه وتعالى بالجهر بالدعوة علانية وضمن له الحماية فقال سبحانه وتعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر. Donc dans ce verset, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé, a envoyé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à Mecca, et qu'il a appelé à Allah en secret, par crainte des préjudices des polythéistes au début de sa da'wa, Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné, dans le verset suivant, il lui a ordonné de prêcher ouvertement et il lui a garanti la protection. De telle sorte qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la traduction rapprochée du sens du verset et expose clairement ce qu'il t'est ordonné. Et détourne-toi des polythéistes. Nous t'avons certes épargné du mal des railleurs, ceux qui associent à Allah une autre divinité, mais ils sauront bientôt. Inna kafaynaka al-mustahzi'in. الذين يستهزئون بالرسول صلى الله عليه وسلم كفاه الله شرهم ورد كيدهم في نحورهم ولم يستطيعوا منع الرسول صلى الله عليه وسلم من دعوته ولم يستطيعوا منع الناس من الاستجابة له ولم يستطيعوا محاصرة الإسلام في مكة والمدينة بل امتد الإسلام في المشارق والمغارب وَبَلَغَ مَبْلَغَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. Certes, nous t'avons épargné du mal des railleurs. Le cheikh explique ce verset en disant ceux qui se sont moqués du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui se moquent du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Allah le préserve de leur mal. Et ils renvoient leurs ruses contre eux. Et ils n'ont pas pu empêcher le prophète sallallahu alayhi wa sallam de prêcher. Et ils n'ont pas pu empêcher les gens de répondre à son appel. Et ils n'ont pas pu empêcher. Et ils n'ont pas pu afwan. Et ils n'ont pas pu restreindre l'islam à la Mecque et à Médine uniquement. Mais l'islam s'est répandu et s'est élargi à l'est et à l'ouest. Et il a atteint tous les horizons. Misdaqan li qawlihi ta'ala huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li yudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau kariha al-mushrikun. Fa dhahara dinullahi fil mashariq wal magharib ra'ma unufihim wastamarra وسيستمر إلى أن تقوم الساعة. Donc ceci en confirmation de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit dans la traduction rapprochée du sens, c'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité, afin de la faire triompher sur toutes les religions, quelque aversion qu'en aient les polythéistes. Donc la religion d'Allah, a triomphé à l'est et à l'ouest, malgré eux. Elle continue à se propager, elle continuera à se propager jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin des temps. قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: il y aura toujours un groupe de ma communauté triomphant sur la vérité. Ceux qui les trahissent et ceux qui les contredisent ne pourront leur nuire en quoi que ce soit jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yuriduna an yutfi'u nur Allah bi afwahihim wa ya'ba Allah illa an yutimma nurah walau kariha al-kafirun. Allah dit également dans la traduction rapprochée du sens du verset: ils veulent éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche, alors qu'Allah ne fera que parachever sa lumière, quelque aversion qu'en aient les mécréants. Fallahu jalla wa ala yutimmu nurah wa lan yutfi'uhu bi afwahihim wa nafhihim bi afwahihim li yutfi'u ad-diya' alladhi ja'a bihi sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala parachevera sa lumière et ne pourront l'éteindre avec leur bouche et avec leur soufflement afin d'éteindre la lumière avec laquelle il est venu sallallahu alayhi wa sallam. لأن الله جل وعلا يحميه ويحفظه. Car Allah subhanahu wa ta'ala le protège et le préserve. يعني le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَإِذَا كَانَ اللَّهُ هُوَ الْحَافِظُ لَهُ فَلَنْ يَسْتَطِيعَ أَحَدٌ أَنْ يَنَالَ مِنْهُ. Et donc si Allah est celui qui protège le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors personne ne pourra s'en prendre à lui. وَلِهَذَا قَالْ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. Et c'est pour cela qu'Allah a dit: certes, nous t'avons épargné du mal des railleurs. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. Également, يعني الله سبحانه وتعالى dit: Allah ne suffit-il pas à son esclave comme soutien? Et ils te font peur avec ceux qui sont en dehors de lui, et quiconque Allah égare n'a point de guide. Wa qala subhanahu wa ta'ala: ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Et Allah également dit, dans la traduction rapprochée du sens du verset: appelle au chemin de ton Seigneur par la sagesse et la bonne exhortation, et discute avec eux de la meilleure manière. فأمره بالاستمرار على الدعوة والمنهج السليم الذي رسمه له ولا يخشى في الله لومة لائم ولن يضره أحد. Donc Allah lui a ordonné de persister dans le prêche et dans la voie saine qu'il lui a tracée, sans qu'il ne craigne le blâme d'aucun blâmeur. et nul ne pourra lui nuire. قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. C'est-à-dire, dans la traduction rapprochée du sens, ô messager, transmets ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur. Si tu ne le faisais pas, alors tu n'aurais pas communiqué son message. Et Allah te protégera des gens. Certes, Allah ne guide pas les gens mécréants. فَاللَّهُ أَمَرَهُ أَنْ يُبَلِّغَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَكَفَلَ لَهُ الْعِصْمَةَ مِنْ أَذَى النَّاسِ. Donc Allah lui a ordonné de transmettre ce qui lui avait été descendu de la part de son Seigneur, et lui a garanti la protection contre le mal des gens. وَقَدْ تَحَقَّقَ وَعْدُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَانْتَصَرَ الْإِسْلَامُ وَانْدَحَرَ أَعْدَاؤُهُ وَصَارَ هَذَا الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا قَالَ اللَّهُ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. Et donc, la promesse d'Allah s'est concrétisée. La promesse d'Allah s'est concrétisée de telle sorte que l'islam a triomphé. L'islam a triomphé. Et ses ennemis De telle sorte que l'islam a triomphé et ses ennemis ont été vaincus. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam est devenu comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit wa rafa'na laka dhikrak, yani, et nous avons exalté pour toi ta renommée, yani la renommée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فصار يذكر اسمه صلى الله عليه وسلم مع اسم الله في الخطب والآذان والإقامة ويرفع ذكره مع ذكر ربه سبحانه وتعالى في الشهادتين على رؤوس المنائر. Donc Allah سبحانه وتعالى a élevé la renommée du prophète صلى الله عليه وسلم de telle sorte que son nom, le nom du prophète صلى الله عليه وسلم, est cité avec le nom d'Allah, de telle sorte que le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam est cité avec le nom d'Allah dans les discours et dans l'appel à la prière, al-adhan, et l'appel imminent également, al-iqama, et de telle sorte que la renommée du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été élevée avec son Seigneur lors du témoignage de foi. On cite le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec le nom d'Allah dans les deux témoignages de foi. Ceci en haut des minarets, du haut des minarets. Wa hatta al-an yusma'u fil masharik wal magharib بواسطة البث والفضائيات والاتصالات ولا أحد يمنع هذا من البشرية من جميع أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم ما يستطيعون يمنعون أن ينادى بالشهادة له بالرسالة عليه الصلاة والسلام لأن الله حمى رسوله وحمى ذكره من هؤلاء. Et jusqu'à présent, jusqu'aujourd'hui, on entend à l'est et à l'ouest, à travers les moyens de transmission, les chaînes satellites et les moyens de communication. On entend donc l'appel à la prière. Et personne ne peut empêcher cela parmi les êtres humains, parmi tous les ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aucun ne peut empêcher que l'on cite, qu'on lui témoigne qu'il est bien le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Car Allah a protégé son messager et il a préservé sa renommée contre ces gens-là, contre ses détracteurs. وإذا رجعنا إلى تاريخ أهل الكتاب مع أنبيائهم لم نستغرب ما يصدر منهم في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. Et si nous revenons à l'histoire des gens du livre avec leurs prophètes, nous ne nous étonnons pas de ce qu'ils font avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Falyahoudu aadhaou Moussa. Les juifs, par exemple, ont offensé et ont porté préjudice à Moussa alayhi salam. Ya ayyuhal ladhina amanu la takounu kal ladhina aadhaou Moussa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana inda Allahi wajiha. Ô vous qui croyez, Ne soyez pas comme ceux qui ont porté préjudice à Moussa alayhi salam. Ne soyez pas comme ceux qui ont porté préjudice à Moussa alayhi salam. Allah l'a déclaré innocent de leurs accusations, car il était honorable auprès d'Allah. Wa ith qala Moussa li qawmihi, ya qawmi lima tu'dhunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaykum. Et lorsque Moussa dit à son peuple, ô mon peuple, pourquoi m'offensez-vous alors que vous savez que je suis le messager d'Allah envoyé vers vous? Fahum adaw Moussa alayhi salam. Donc ils ont offensé, ils ont porté préjudice à Moussa alayhi salam. Wa adaw ar-rusul alladhina ja'u ilayhim min ba'di Moussa. Et ils ont offensé et porté préjudice aux autres messagers qui sont venus vers eux après Moussa alayhi salam. Fa'adhawhum adhan shadida. Ils les ont énormément offensés. Ils leur ont beaucoup porté préjudice. Minhum man qataluh wa minhum man kadhabuh. Certains parmi les prophètes, ils les ont tués, et certains ils les ont démentis. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. C'est-à-dire, Est-ce qu'à chaque fois qu'un messager vous apportait des vérités contraires à vos souhaits, à vos envies, vous vous enfliez d'orgueil, vous traitiez les uns d'imposteurs et vous tuiez les autres? وَهَمُّ بِقَتْلِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنْهُمْ. Et ils ont tenté d'assassiner notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais Allah l'a préservé d'eux. Hammu bi qatlihi fil Madina. Ils ont tenté de le tuer lorsqu'il était à Médine. Wa allabu alayhi wa dassu alayhi ad-dasa'is. Yuridun al-qada'a alayhi kama hiya 'adatuhum ma'a al-anbiya' as-sabiqin. Ils se sont coalisés contre lui. Et ils ont tenté tout type de ruse en voulant par là en terminer avec lui, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ceci était leur habitude avec les prophètes précédents. Walakin Allah hamahum minhum, mais Allah l'a préservé, l'a protégé d'eux. Wallahu ya'simuka minan nas. Inna kafaynaka al-mustahzi'in. Allah te protège des gens. Certes, nous t'avons épargné le mal des railleurs. فَلَمْ يَسْتَطِيعُ الْوُصُولَ إِلَيْهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. Et donc ils n'ont pas pu l'atteindre. Ils n'ont pas pu l'atteindre. Sallallahu alayhi wa sallam. النَّصَارَى آذَوُ الْمَسِيحِ عَلَيْهِ السَّلَامُ. Également les chrétiens, ils ont porté préjudice, ils ont offensé Isa alayhi salam, le Messie. بأي شيء آذوه. Comment l'ont-ils offensé? Comment lui ont-ils porté préjudice? بأنهم غلوا فيه. Ils ont porté préjudice en exagérant en lui. حتى قالوا هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة. Jusqu'à ce qu'ils ont dit qu'il était Allah, que Isa était Allah, ou qu'il était le fils d'Allah, ou qu'il était le troisième de trois. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل إن يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Ont certes mécru ceux qui disent, en vérité Allah, c'est le Messie, fils de Marie, alors que le Messie leur a dit, ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis. Et son refuge sera le feu. Et pour les injustes, pas de secoureur. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. Et lorsqu'Allah dira, ô Jésus, ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère? Et lorsqu'Allah dira, ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah? Il dira, gloire et pureté à toi, il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais su, certes. Tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Je ne leur ai dit que ce que tu m'avais ordonné. Adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Et je fus témoin contre eux, aussi longtemps que je fus parmi eux. Puis quand tu m'as rappelé, c'est toi qui fus leur observateur attentif et tu es témoin de toutes choses. هذا موقفهم مع نبيهم هذا موقفهم من نبيهم Ceci, c'est leur position vis-à-vis de leur prophète. غلوا فيه واتروه حتى جعلوه في مرتبة الربوبية وهو رسول من رسل الله عز وجل ليس له من الربوبية شيء ولا ادعى هذه الربوبية وإنما بلغ ما أرسله الله به. Ils ont exagéré en lui jusqu'à ce qu'ils l'ont mis au degré du Seigneur, alors que c'est un messager parmi les messagers d'Allah. Il ne possède rien de la seigneurie d'Allah. Il n'a jamais prétendu cette seigneurie, mais il n'a fait que transmettre ce avec quoi Allah l'avait envoyé. هم على طرف نقيض اليهود أهانوا الأنبياء وقتلوهم وكذبوهم والنصارى غلوا في نبيهم وجعلوه في مرتبة الألوهية Ils sont donc dans deux opposés. Les juifs ont humilié les prophètes, ils les ont tués et ils les ont démentis. Quant aux chrétiens, ils ont exagéré en leurs prophètes et ils l'ont mis au degré de la divinité. وهذا من أشد الأذى لرسول الله ونبيه عيسى عليه السلام. Et ceci est la plus grande offense et le plus grand préjudice qui a pu être fait au messager d'Allah et à son prophète عيسى عليه السلام. فهذا يؤذيه عليه الصلاة والسلام. Ceci lui porte préjudice. وكذبوا عليه وافتروا عليه. Ils ont menti sur lui. لكن الله سيفضحهم يوم القيامة في هذا الموقف الهائل المخزي أمام الخلائق. Mais Allah va les dévoiler et les démasquer au jour de la résurrection. Dans cette situation humiliante et douloureuse devant les créatures, وسيصرح عيسى عليه السلام بكذبهم وافترائهم عليه ويبين ما قال لهم بأمر ربه سبحانه. Et عيسى عليه السلام va exposer clairement leur mensonge à son égard. Il va dire ce qu'Allah Il va mettre en évidence ce qu'il leur a dit par ordre de son Seigneur. ثم قال الله جل وعلا هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit, à la fin de ces versets, voilà le jour où leur véracité va profiter aux véridiques. Ils auront des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ هَذَا ثَنَاءٌ عَلَى عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَمَا أَجَابَ بِهَذَا الْجَوَابِ الْعَظِيمِ الذي أيده الله عليه وأثنى عليه. Voilà le jour où leur véracité va profiter au véridique. Ceci est une éloge envers Isa alayhi salam, du fait qu'il va répondre par cette grande réponse par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala va le secourir et va faire ses éloges. فاليهود والنصارى مع الأنبياء كما سمعتم الأذى القتل التكذيب. Donc les juifs et les chrétiens avec les prophètes étaient, comme vous avez entendu, offense, assassinat, et reniement. حتى إنهم اليهود والنصارى كفروا بخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين وهم يعرفون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن منعهم الحسد والكبر والعياذ بالله. Jusqu'à ce que les juifs et les chrétiens ont mécru au sceau des prophètes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a été envoyé en tant que miséricorde pour tout l'univers, alors qu'ils savent très bien qu'il est le messager d'Allah. Mais la jalousie et l'orgueil les a empêchés de croire en lui. Qu'Allah nous en préserve. Wa kadhalika al-yahoud kafaru bi Isa alayhi salatu wa salam wa ramawhu bil'adha'im ورموا أمه بالعظائم قبحهم الله. Et également les juifs ont mécru en Isa alayhi salam. Ils l'ont accusé des pires insultes. Ils ont traité sa mère des pires insultes. Qu'Allah les enlaidisse. فبرأه الله سبحانه وتعالى مما قالوا وبين أنه عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. هذه حقيقة عيسى عليه الصلاة والسلام. ليس له من الربوبية من شيء. Donc les juifs ont mécru en Isa. Ils l'ont accusé. Ils l'ont traité des pires choses. Ils ont traité sa mère des pires insultes. Qu'Allah les enlaidisse. Mais Allah Mais Allah l'a innocenté. Mais Allah l'a innocenté de ce qu'ils ont dit. Et Allah a démontré que Isa était son serviteur et son messager, et sa parole qu'il a jetée, sa parole qu'il a mise en Mariam, en Marie, et un esprit, un esprit créé par lui. Ceci est la réalité de Isa alayhi salam. Il ne possède rien de la seigneurie d'Allah. لكن الحاصل أن هذه مواقف اليهود والنصارى مع الأنبياء وهم أهل كتاب وأهل علم ولكنهم لم يعملوا بعلمهم ولا بكتابهم. Donc ceci Donc telles sont les positions des juifs et des chrétiens avec les prophètes, alors que ce sont des gens du livre, et ce sont des gens de science, mais ils n'ont pas appliqué leur science, et n'ont pas appliqué ce qu'il y avait dans leur livre. وَتَجَرَّعُوا عَلَى كُتُبِ اللَّهِ الَّتِي جَاءَتْهُمْ مَعَ الْأَنْبِيَا فَحَرَّفُوهَا وَغَيَّرُوهَا وَبَدَّلُوهَا. Et ils n'ont pas eu honte. Ils n'ont pas eu honte Ils n'ont pas eu honte de s'en prendre aux livres d'Allah qui leur sont parvenus avec les prophètes. Ils les ont modifiés. Ils les ont changés. فَأَيُّ جَرَاءَةٍ عَلَى اللَّهِ وَعَلَى رُسُلِهِ أَعْظَمُ مِنْ هَذِهِ الْجُرْأَةِ مِنْ هَذِهِ الْجَرَاءَةِ الْعَظِيمَةِ. Donc, quelle insolence envers Allah et envers ses messagers est pire que cette insolence, cette immense insolence. فلا نستغرب أن ينعق ناعق من النصارى اليوم. لا نقول المسيحيين كما يسمون أنفسهم أو يسميهم الجهال ليسوا مسيحيين. إنما وإنما هم نصارى كما سماهم الله سبحانه وتعالى. Donc Nous ne sommes pas étonnés. Nous ne devons pas être étonnés qu'un parmi les chrétiens aujourd'hui vienne crier. Nous ne disons pas Al-Masihiyin, mais nous disons non, nous ne disons pas Al-Masihiyin comme eux s'appellent ou comme les appellent les ignorants. Ils ne sont pas les suiveurs du Messie, ils ne sont pas les suiveurs du Messie, Isa alayhi salam. Wa innamahum nasara, mais on les appelle chrétiens. Kama sammahum Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah les a appelés. Wa la naqulu Israël, kama taquluhu al-Yahoud. On ne dit pas Israël, comme le disent les Juifs. Walakin naqul banu Israël, mais nous disons les enfants d'Israël. Wa naqulu al-Yahoud, et nous disons les Juifs. سماهم الله اليهود وسماهم بني إسرائيل. Allah les a appelés juifs, il les a appelés enfants d'Israël. فلا نحرف الكلمة عن مواضعه كما حرفوه. Donc nous ne changeons pas les paroles de leur place comme eux l'ont fait avec leurs livres. ونسميهم بأسمائهم الصحيحة التي سماهم الله بها. Mais nous les appelons par leurs noms authentiques selon lesquels, par lesquels Allah les a appelés. لكنهم قوم يفترون على الله الكذب قديما وحديثا ويفترون الكذب على الرسل الله عز وجل فلا نستغرب ما صدر منهم أو يصدر منهم أو سيصدر في المستقبل لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. Donc, ce sont des gens qui inventent des mensonges sur Allah anciennement et à l'époque contemporaine. Ils profèrent des mensonges sur les messagers d'Allah. Donc nous ne sommes pas étonnés, nous ne devons pas être étonnés de ceux qui émanent de ces gens-là, ou de ceux qui va émaner. Nous ne sommes pas étonnés de ceux qui a émané de ces gens-là, ou de ceux qui émanent d'eux, ou de ceux qui va émaner dans le futur. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la traduction rapprochée du sens du verset: certes, vous serez éprouvés dans vos biens et vos personnes, et certes, vous entendrez de la part de ceux, et certes, vous entendrez de la part de ceux à qui le livre a été donné avant vous, et de la part des polythéistes, beaucoup de propos désagréables. Mais si vous êtes endurant et pieux, voilà bien la meilleure résolution à prendre. إن الواجب علينا جميعا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن نناصر رسولنا صلى الله عليه وسلم وأن نذب عنه وأن نرد على هؤلاء الحاقدين بجميع طوائفهم. Donc certes, l'obligation sur nous tous, communauté de Mohammed صلى الله عليه وسلم, c'est de secourir notre prophète et de le défendre et de réfuter ces jaloux sous toutes leurs formes, ces gens jaloux sous toutes leurs formes. Allahu Jalla wa Ala qadirun ala an yansura rasulah wa qad nasara wa lakinnahu amarana bi nusratihi sallallahu alayhi wa sallam ابتلاء وامتحانا لنا فإن نصرناه أجارنا الله على ذلك وأثابنا وإن تخاذلنا ولم ننصره فإن الله سبحانه وتعالى سيعذبنا ويعاقبنا في الدنيا والآخرة. Allah est capable de secourir son messager. Il a certes déjà secouru, mais il nous a ordonné de secourir le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme épreuve et comme examen pour nous. Donc si nous le secourons, Allah nous récompensera pour cela. Par contre, si nous abdiquons et nous l'abandonnons, alors, si nous l'abandonnons et que nous ne le secourons pas, alors Allah subhanahu wa ta'ala nous châtiera et nous punira sur terre et dans l'au-delà. Rasul sallallahu alayhi wa sallam الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة إلى نصرتنا، لأن الله نصره وقال: إنا كفيناك المستهزئين، والله يعصمك من الناس، ولكن الله أمرنا بنصرته من أجل مصلحتنا نحن، من أجل أن يثيبنا، ومن أجل الابتلاء والامتحان. هل نطيع أو لا نطيع؟ هل نكون شجعانا لا نبالي ولا تأخذنا في الله لومة لائم، أو نتحاذر عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونخاف من المشركين، ونخاف من عبادة الأوثان، ونخاف من اليهود والنصارى، وتأخذنا في الله لومة لائم؟ Le messager, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas besoin de notre secours, car Allah l'a certes secouru. Et il a dit: nous t'avons certes épargné du mal des railleurs. Et également il a dit: et Allah te protège des gens. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de le secourir pour notre bien à nous. C'est dans notre intérêt à nous, afin qu'il nous récompense. Il nous a ordonné cela afin de nous éprouver. Est-ce que nous allons lui obéir ou pas? Est-ce que nous allons être courageux, ne craignant rien et ne craignant le blâme d'aucun blâmeur? Ou bien est-ce que nous allons abandonner et nous allons délaisser le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ne pas le secourir, en ayant peur des polythéistes, en ayant peur des adorateurs de statues, en ayant peur des juifs et des chrétiens, et en ayant peur des blâmes, des blâmeurs, du blâme des blâmeurs? Nous continuerons, incha'Allah ta'ala, la traduction de cette conférence de Cheikh Al-Fawzan demain, bi'idhnillah. Et vous serez tenus au courant de l'heure. Et yani, le Cheikh va expliquer plus tard, au fil de la conférence, yani, le sens de ses paroles, afin qu'elles ne soient pas mal comprises. Il va expliquer comment nous devons secourir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dans quoi nous ne devons pas avoir peur des ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et également dans les fatwas, dans les questions qui lui ont été posées à la fin de cette conférence, et que dont je vais tirer certaines questions afin de les lire et de les traduire. Également, dans certaines de ses questions, il a expliqué que ce n'est pas en commettant des actes de terrorisme que nous allons secourir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le terrorisme ne fait pas partie de l'islam. Donc le Cheikh va expliquer comment nous devons secourir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je vous laisse donc jusqu'au prochain cours, afin que vous découvriez comment nous devons secourir notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa alhamdulillahi rabbil alamin.